La conversation sur Defeat par Étienne Klein. Aujourd'hui, la lumière entre physique et art. On entend parfois dire que la physique est belle. Bien sûr, elle l'est en un sens. Il ne faut toutefois rien exagérer. Rares sont les étudiants qui, la découvrant, s'effondrent en sanglots à la suite d'un spasme de réflexion esthétique qu'aurait provoqué en eux telle ou telle équation fondamentale, telle ou telle expérience marquante. Reconnaissons plutôt humblement que la beauté de la science provoque des émotions, certes sincères, mais en général contrôlées. Bien sûr, cela n'empêche pas que la science agisse comme une source d'inspiration pour les artistes, ni que cette influence soit réciproque. Des jeux de miroirs, des résonances, des clins d'œil organisent une sorte de connivence dialectique entre ces deux polarités de l'esprit humain. Il faut dire que les scientifiques et les artistes partent du même refuge, qui est la condition humaine avec ses pulsions créatrices. Est-ce à dire qu'ils visent le même sommet? Le croire relèverait d'une nostalgie naïve. Mais c'est justement parce que la science et l'art ont des ambitions séparées qu'il est intéressant d'examiner leur rapport, en partant du constat établi par Bertolt Brecht dans L'achat du cuivre, un texte écrit en 1945. Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes dont ils ignorent tout. Ils imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination, et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Il se peut que tel homme ait un don particulier pour une discipline particulière, mais il n'est pas d'autant plus doué dans cette discipline qu'il est plus incapable dans toutes les autres. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. Il n'existe personne qui soit totalement dépourvu de savoir, et il n'existe personne qui soit totalement dépourvu d'art. Fin de citation. Dans notre conversation d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est des liens entre science et art à propos de la lumière. Les physiciens manipulent la lumière de mille façons, ils tentent d'en comprendre la nature, tandis que les peintres, ainsi que les photographes, jouent avec elle. Et pour discuter de tout cela, nous avons le privilège, le plaisir et l'honneur de recevoir l'un des plus grands spécialistes de la lumière dans tous ses états. Il vient de recevoir le prix Nobel flambant neuf. J'ai nommé Gérard Mourou. Bonjour. Bonjour Étienne. C'est un grand plaisir de vous recevoir, un grand honneur comme je viens de le dire. Vous êtes professeur à Polytechnique, prix Nobel de physique 2018 donc, et vous venez de publier un ouvrage collectif magnifique intitulé « L'impressionnisme entre art et science ». Oui. Alors, tout à fait. Qu'on parle d'abord de vos travaux et ensuite on examinera cette question des liens entre l'art et la science à propos de la lumière. Absolument, absolument. Mais j'ai lu un article qui raconte quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris un beau matin d'octobre que vous aviez le prix Nobel de physique, que vous partagez avec Donna Strickland et Arthur Ashkin. Mm-hmm. Voilà ce que je lis dans une interview, vous me direz si la phrase est bien rapportée. Je pensais être préparé, mais ce fut quand même une surprise. Comme je n'avais pas eu de coup de fil une heure avant l'annonce, je pensais que ce n'était pas pour cette fois. Je suis même arrivé dans le bureau de ma secrétaire en lui disant que le Nobel n'était pas encore pour cette année, mais que tout n'allait pas si mal parce que je venais de recevoir ma nouvelle carte de piscine. Absolument. C'est vrai? Absolument. C'est important la natation? C'est fondamental. Pour moi, je nage tous les jours, j'adore ce sport. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, effectivement. Bon, si c'est tout à fait vrai, ce qui s'est passé, c'est que on sait très bien que, enfin, tous les physiciens savent que le prix Nobel de physique est divulgué le premier mardi d'octobre. Et en général, ça se fait autour de midi. Donc c'est très très facile, si à 11h30 on n'a pas de coup de téléphone, on repart, et si on a des ambitions, c'est pas des ambitions, c'est que on sait plus ou moins si on a des chances, on repense pour l'année prochaine, voilà. En lisant cette interview de votre part, ça m'a rappelé une phrase de Wittgenstein qu'on trouve dans ses carnets. Mmh. Il écrit « Un jour, rentrant chez moi, je m'attendais à une surprise, mais il n'y avait pas de surprise à mon intention. Aussi, bien entendu, ai-je été surpris. » J'étais surpris, mais quelques minutes après, c'est vrai. J'étais surpris quelques minutes après parce que, bon, comme vous le disiez, je me préparais pour aller à la piscine, parce que je savais que c'était pas pour cette fois. Donc, je passe devant le bureau de ma secrétaire qui m'appelle, me dit, dis donc, il y a un coup de téléphone là, de l'étranger. Et donc, je m'approche de son bureau, je prends le téléphone, effectivement, et puis c'était le président du comité Nobel qui m'appelait, et puis qui me disait, voilà, vous êtes le prix Nobel 2018 en physique pour vos travaux sur la lumière extrême. Et j'ai aussi voulu le partager avec votre ancienne étudiante, Donna Strickland, ce qui m'a fait le plus grand plaisir. Et voilà, donc... ce sont bien sûr des moments qu'on n'oublie pas. Et c'est une conversation qui est très longue ou c'est juste une information? Oui, oui, non, elle est assez longue en fait. Hein. Elle est assez longue et puis il vous demande à la fin si vous acceptez. Je dis oui, j'accepte. Et après, c'est le maelstrom médiatique. Après, oui, après tout, c'est énorme. Après, l'avalanche commence. Tout de suite, parce que dans 15 minutes après le coup de téléphone, il y a une conférence de presse. Ils font ça très très rapidement, hein, parce qu'ils sont très jaloux de tenir les choses le plus secrètement possible jusqu'à la fin. Donc, tout se passe très rapidement, voilà. Je sais que Donna, par exemple, qui est canadienne, bon, elle était réveillée à 5 heures du matin, c'est pas trop un problème pour ce genre de nouvelles, bien sûr. Est-ce que, si vous n'en êtes pas trop lassé, vous pouvez nous dire en quoi ont consisté vos travaux qui vous ont valu ce prix Nobel? Cette fameuse technologie CPA, comme on l'appelle, que vous comparez au karaté. Je crois que le karaté, c'est une bonne comparaison. En fait, mes travaux tournent autour de la production d'impulsions extrêmement brèves. De lumière. De lumière. Alors, on peut dire, pourquoi vous faites ça? En fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que si on produit des impulsions très très brèves, même avec un peu d'énergie, comme la puissance égale à l'énergie divisée par le temps, on peut obtenir des puissances absolument considérables. Et en fait, ces puissances sont associées aussi, si on focalise ces impulsions sur un spot qui est de l'ordre de quelques microns, la longueur d'onde de la lumière, eh bien on obtient bien sûr des intensités absolument gigantesques, et c'est à partir de ces intensités gigantesques, bien sûr, ouvre des voies à la physique qui sont complètement nouvelles. Donc si je comprends bien ce que vous dites, Gérard Monroux, vous faites des impulsions dans lesquelles il n'y a pas énormément d'énergie, mais cette énergie est concentrée absolument temporellement, de sorte que la puissance, qui est l'énergie par unité de temps, devient énorme. C'est des chiffres qui sont des puissances de 10 très nombreuses. Oui, oui, oui. C'est des chiffres, typiquement, maintenant, on parle de pétawatts. Hein, c'est-à-dire, si vous prenez un joule qui est très peu d'énergie, en fait, hein, parce que vous, au petit déjeuner, vous mangez des millions de joules. Hein. Bon, si on en prend un, bon, mais seulement on le délivre en une femtoseconde, 10-15 secondes. Enfin, une femtoseconde, c'est aussi le millionième de milliardième de seconde. Hein. C'est donc c'est 10 puissance moins 15 mètres, pour le dire autrement. 10 puissance moins 15 secondes. Secondes, pardon. Ouais. Oui. Et donc, ça vous donne des puissances de l'ordre du pétawatt. Et plus grande que la puissance de toutes les centrales nucléaires. 1000 fois plus grande. Oui, parce que la puissance de toutes les centrales produisant de l'électricité dans le monde, c'est de l'ordre de 2 térawatts. Hein, donc ça fait un facteur 1000 à peu près. La différence, ouais, c'est qu'elle, elle délivre de la puissance continue. Ah oui, on met ça un peu sous le tapis. mais c'est ce qu'en fait, c'est ce que j'aime. Parce qu'on produit des puissances très très élevées, ce que l'on fait n'est pas destructif. On n'a pas d'objectif militaire avec ça. Parce que c'est l'énergie qui détruit. C'est pas tellement puissance. La puissance. Mmh. Hein. Donc c'est toujours un domaine qui m'a absolument attiré, fasciné. Ça a commencé bien sûr par mon attraction pour la brièveté des impulsions, le temps très très court, etc. Il y a quelque chose qui me... Mais vous savez d'où ça vient, ça, cette passion pour la brièveté? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce désir de puissance. Ce désir. Non, parce que là, au départ, quand j'ai fait mes premières expériences, c'était pas tellement, en fait, pour avoir de la puissance. C'était pour avoir des impulsions très brèves. Et qu'est-ce qu'on fait avec des impulsions très brèves? Eh ben, on fait un peu ce qu'on fait avec une caméra, rapide, hein, mais là, vraiment très rapide. On utilise ces impulsions très brèves pour observer des phénomènes dans le très temps. Rapide. Très rapide, exactement. Alors, quand j'ai commencé, on parlait de nanosecondes. Non, dans les années 67. Hein. 67, c'est quand j'ai commencé à faire la recherche. C'était seulement 6 ans après que le laser soit inventé, démontré par Telmeyman en 60. Exactement. Lui, il n'a pas le prix Nobel, c'est pas très juste. Oh là là, ça a été vraiment un drame. Ça a été, un drame pour la communauté. Mais pour aussi la communauté. Parce que, vraiment, bien sûr... Le prix Nobel était attendu. Hein, prix Nobel 64 était attendu. Le laser venait d'être démontré. Beaucoup, il y avait un très fort engouement pour le laser. On savait que le prix Nobel allait être décerné pour quelqu'un du laser. Le ticket, comme on dirait, c'était Townes, parce que il a établi le principe du laser avec son beau-frère Shallow, qui l'a aidé, ils ont travaillé ensemble beaucoup. Et ensuite, avec Telmeyman, qui, lui, a démontré le laser. Mais sur des bases établies par Townes. Donc la démonstration, quand même, c'est toujours quand même très important. Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui travaillaient justement sur ce sujet-là pour démontrer que la première source cohérente qu'on sache faire, etc. Donc c'était très important. Donc, moi, j'ai commencé à faire ma recherche en 67, et les impulsions, à l'époque, étaient de l'ordre de la nanoseconde, ce qui est déjà considéré comme très court en ce moment, pour des gens normaux. Et après, on est passé de la nanoseconde à la picoseconde, à la femtoseconde, maintenant à la toseconde, et on pense à la zeptoseconde. Et toujours pour la même idée, hein, toujours pour la même raison, c'est-à-dire que, chaque fois, c'est pour observer, pour étudier des phénomènes de plus en plus rapides. Comment est-ce qu'on fait, Gérard Moreau, pour comprimer temporellement une impulsion laser sans détruire les appareils optiques qui permettent de faire cela? Oui. Alors justement, c'est pour ça qu'on l'allonge d'abord. C'est pour ça qu'on l'étire. On fait le contraire de ce qu'on veut. On fait au départ. On l'allonge temporellement. On l'allonge, c'est-à-dire qu'on recule pour mieux sauter. En fait, c'est que à partir de certaines intensités laser, eh bien, il y a des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes non linéaires qui se déroulent. C'est-à-dire que la lumière qu'on voit là, banalement, qui nous entoure, etc., c'est une lumière où les champs électriques qui créent la lumière, en fait, sont faibles, très très faibles. Donc, c'est pas la lumière qui va détruire quoi que ce soit. Hein, ça sera la lumière classique. Maintenant, lorsqu'on est dans les lasers, on peut se trouver dans des situations, si on commence à amplifier la lumière, où là, on casse le milieu. Hein, parce que les champs électriques sont tellement élevés que les champs qui maintiennent les atomes ne résistent pas. Voilà. Et là, bien sûr, on fracasse les matériaux, etc. Mais avant ça, il y a des problèmes aussi. C'est que on détruit le faisceau lui-même, le faisceau qu'on essaie de préserver parce que c'est le faisceau qui va nous aider à faire des expériences, etc. Donc la qualité du faisceau est très très importante pour nous. Mais donc avant de détruire le matériau, on détruit le faisceau lui-même. Donc a priori, ça ne devrait pas marcher, et vous avez trouvé un moyen que ça marche. Voilà, il a fallu de contourner la difficulté. Et pour contourner la difficulté, donc il fallait... Le problème, c'est d'amplifier beaucoup, beaucoup d'énergie, le plus d'énergie qu'on puisse, parce que le but final, c'est toujours faire des puissances considérables. Et pour faire ça, j'ai eu l'idée d'abord d'étirer l'impulsion, c'est-à-dire qu'on prend une impulsion qui fait une picoseconde, dans l'expérience de départ. Hein. Donc l'énergie dans l'impulsion est la même, mais la puissance instantanée est plus faible. Voilà, on l'étire 1000 fois, par exemple. On prend une impulsion de picoseconde, on l'étire 1000 fois, ça fait une nanoseconde. Donc, et sans, comme vous dites, sans changer l'énergie, donc la puissance est diminuée d'un facteur 1000. Ce qui nous permet ensuite d'amplifier cette lumière dans un barreau, Et on va l'extraire mille fois mieux. Voilà. Et une fois que la lumière est extraite du barreau amplificateur, je dis barreau parce que c'est l'amplificateur, ça se présente comme un barreau, quoi. Un barreau, mais bon. Vous êtes un maître du barreau, on pourrait dire. et donc, à ce moment-là, il nous faut maintenant recomprimer l'impulsion. Et c'est comme ça qu'on gagne de la puissance. Et à son état initial. Et bon, alors, c'est toutes ces manipulations, bien sûr. En fait, c'est des manipulations qui sont absolument gigantesques, hein, parce que on part d'une impulsion qui fait l'ordre de picojoules. On l'amène au joule, donc ça fait 10 puissance 12. On l'étire d'un facteur 1000, 10 000, 100 000 maintenant. Et après, on la recomprime d'un facteur 1000, 10 000, 100 000. Donc vous jouez allègrement avec les puissances de 10 dans un sens ou dans l'autre. Absolument, absolument. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, Gérard Moreau, j'ai lu, je vous ai même entendu dire dans une interview que l'idée vous en est venue alors que vous étiez en train de remonter une pente sur un télésiège. Ah oui. C'est vrai ça? Oui. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'était l'idée, là, quand on a commencé à faire ces travaux avec Dédé, avec Donna, eh bien, bon, on savait pas très bien comment étirer les impulsions, on savait pas très bien comment les comprimer, etc., etc. Ce qui fait que l'étirement et la compression n'étaient pas la même. C'était différent. C'est-à-dire qu'on pouvait pas comprimer exactement ce qu'on avait étiré. Et sur le télésiège, effectivement, comme je suis savoyard, j'aime le ski. Donc vous étiez en vacances. Ah oui, j'étais en vacances. Ouais. Et c'est là que les bonnes idées viennent. Et ça, écoutez, quand on est sur un téléski ou télésiège, bon, pendant 5-10 minutes, on n'a rien à faire, on regarde le paysage, on rêve, on peut rêver, et puis on peut rêver de physique. Voilà. Absolument. Donc je suis arrivé au sommet de la du télésiège là, et puis j'ai dit à Marcel, non, là il faut que je rentre. Marcel, c'est votre épouse. Voilà, Marcel, c'est mon épouse. Et elle, bien sûr, on était venu avec une bande d'amis, donc elle est rentrée. Vous lui dites, Il faut que je rentre au labo, absolument. Mais aux États-Unis, comme bon, ça c'était un samedi, je rentre au labo, je dis à mes étudiants qui travaillaient sur un concept similaire, je dis arrêtez tout ce que vous faites. J'ai trouvé. On va essayer autre chose. Bon, ben, j'ai trouvé. Et ça a marché très très bien. Et alors là, après, on a pu. C'était le dilemme. C'était de vraiment de compresser exactement ce qu'on venait d'étirer. Sans rien perdre. Sans rien perdre. Donc c'est ça qu'on appelle la technologie CPA, oui. Qui est l'acronyme de Chirp Pulse Amplification. Donc ça, on pourrait dire, c'est une amplification d'un pulse laser, d'une impulsion laser. Par chirp, c'est gazouillé, non? C'est gazouillé en anglais, et parce que quand un oiseau gazouille, eh bien, il module sa fréquence. Il passe de fréquence élevée aux fréquences basses ou vice versa. Et c'est comme ça quand on étire l'impulsion, eh bien, en fait, on crée un gazouillement parce qu'on étend les fréquences. Donc, en fait, c'est une découverte qui est à la fois technologique et fondamentale. Je dirais pas peut-être fondamental, technologique certainement, oui. Qui permet donc d'avoir des très grandes puissances lumineuses. Est-ce que vous pensiez déjà en 85. Enfin, on dit 85, ça c'est quand la publication est parue. Donc après mais bien avoir sûr, fait tous les on tests. Avait, ouais. on avait déjà les résultats. Mais est-ce que vous pensiez à ce moment-là que cette technologie, disons, cette percée technologique aurait toutes les applications qu'elle a aujourd'hui? En ophtalmologie, par exemple, ou dans d'autres secteurs? Non. Vous racontez d'ailleurs un incident bizarre, un de vos étudiants qui prend une impulsion laser dans l'œil. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Oui, mais je vais vous raconter ça. Non, on ne pensait pas aux myriades d'applications qui existent actuellement, hein, parce que c'était toujours des systèmes quand même qui étaient assez primitifs. Hein, le taux de répétition était faible, etc., etc. Mais après quelques années, bon, ben ça s'est raffiné, ça s'est amélioré, etc. Alors, ce qui s'est passé avec, j'avais mon étudiant qui alignait un laser, quoi. Ça, c'est des trucs banals. Il portait pas ses lunettes, ce qui était une faute. Il a reçu donc le laser dans l'œil. Alors bon, aux États-Unis comme en France, c'est un drame, ça. Hein, parce que ça veut dire qu'on ferme le labo. Hein. Donc, l'étudiant qui est un étudiant asiatique, qui il savait ce qu'il avait fait. Non seulement il s'était endommagé l'œil, certainement, mais aussi que le labo allait fermer. Alors il rentre dans mon bureau, tout ça, il est vraiment effondré, etc. Bon, de toute façon, il dit, bon, ça c'est... On l'amène à l'hôpital, et à l'hôpital, il y a un ophtalmo qui regarde son œil, il regarde la rétine, et puis il dit, donc, qu'est-ce que vous avez comme laser? Parce que les ophtalmos ont des lasers. Mais c'est des lasers. Oui, mais ça c'était en 85. Donc les lasers en ophtalmologie, ça existe depuis les années 60. Hein. Mais c'est des lasers avec des impulsions longues, ou continues, etc. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous avez quand même comme... C'est curieux, qu'est-ce que vous avez comme laser. Alors l'étudiant, bien sûr, c'est un étudiant gradué, il explique à l'ophtalmo, bon, qui comprend strictement rien, il dit, oui, c'est un laser femtoseconde, etc. Il dit, mais pourquoi me poser cette question? Il dit, parce que votre endommagement est parfait. Vous avez un PET sur la rétine, je m'excuse. Mais il est parfait. Il est parfaitement circulaire, il a des bords, il est parfait. Blessure parfaite. Ouais. Et alors là, bien sûr, on a tous réalisé qu'il y avait quelque chose à faire en ophtalmologie. Grâce à une sorte d'accident. Ah, c'était un accident. Je crois aussi que vous avez travaillé ensuite, collaboré avec cet ophtalmologiste. Oh, énormément, énormément. D'ailleurs, il sera au prix Nobel là, avec moi. Absolument. Pour faire admettre ça, bien sûr. Au FDA, Food and Drug Administration, et tout ça, on passe bien sûr par un tas de tests, etc., les tests d'animaux, etc., qui durent très très longtemps. Mais voilà. Mais après une dizaine d'années ou un peu moins, bon, on a pu vendre le premier système complet. Et maintenant, il y en a absolument des milliers. Et puis, chaque année, il y a des millions de personnes qui subissent ce traitement. Donc, c'est quand même quelque chose qui a bénéficié à la société. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu ce petit accident, cette application n'aurait pas été découverte? Ah oui, absolument. Moi, parce que moi, je ne suis donc pas médecin. Cet étudiant, il devrait avoir le prix Nobel aussi. Il sera là. Hein. Il sera là. Mais enfin, il n'a pas fait grand-chose. Il avait oublié de mettre ses lunettes. C'est une participation passive. Ça a été, disons, la rétine la plus examinée dans le monde, je pense. Après, par les médecins. Alors, il y a beaucoup d'autres applications, soit actuelles, soit que vous envisagez, parce que vous avez, si je lis vos articles, une imagination absolument débordante. Hein. On a l'impression qu'avec les hautes puissances lumineuses que vous fabriquez, on peut envisager toutes sortes d'applications. Il y en a une qui me fascine particulièrement, c'est comment sonder ou exciter ce qu'on appelle le vide quantique. Absolument. Le vide quantique contient des particules qui sont un peu endormies, au sens où elles n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. Voilà, et on les réveille. On les réveille avec un laser pétawatt. Ça, c'est le rêve. On n'est pas encore à ces intensités-là. C'est-à-dire qu'il faudrait transformer ces particules virtuelles en particules réelles, en électrons, positrons, par exemple. Absolument, absolument. Mais ça, on sait que c'est attendu, hein. C'est attendu. Mais seulement, il faut des puissances encore ou des intensités encore plus élevées. Mais on y vient. On y vient. Quand on regarde la progression des puissances des ordres de grandeur chacun. Dans quelques années, on y sera. Et donc, cette matérialisation du vide, en fait, ça revient à ça. Hein. M'a toujours fasciné, bien sûr. Elle était attendue depuis les années de 1930, hein, et elle va pouvoir se réaliser dans quelques années. Voilà. Blaise Pascal disait le vide, il parlait pas du vide quantique mais du vide tout court, oui, tient le milieu entre le néant et la matière. Oui. Le vide quantique fait ça, il contient virtuellement la matière. Absolument. Et avec vos lasers, vous pourriez matérialiser ce qu'il contient. Voilà, exactement. Et c'est la partie fascinante. Enfin, disons que dans nos travaux, il y a toujours quand même une grosse partie très fondamentale. Ça, c'en est une. Mais il y en a d'autres. Et qui bien sûr, C'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous tient. Parce que si je comprends bien vos travaux, Gérard Moreau, quand il y a une très forte puissance dans une impulsion, il y a aussi une très forte pression lumineuse. Absolument. Donc on peut accélérer des particules. Voilà, voilà, voilà, voilà. Exactement. Vous allez concurrencer le CERN ? Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Allez-y. actuellement, enfin, comme vous disiez, hein, c'est vrai que la lumière, bon, à un moment, est source aussi de pression. Juste pour vous, vous donner une autre idée, on a dit que la lumière, la puissance lumineuse, c'était la puissance qui était produite par tout le réseau mondial, hein, etc. Mais en pression, si on focalise cette lumière sur une petite surface, on obtient des pressions qui sont considérables, de l'ordre de 10 millions de fois, 10 millions de tours Eiffel. Ça correspond à 10 millions de fois la tour Eiffel sur un doigt. La masse de la tour Eiffel, 10 millions de fois la masse de la tour Eiffel sur un doigt. Ah okay. Oui, c'est plus que la pression atmosphérique. C'est beaucoup plus que la pression atmosphérique. Et ça, c'est pendant un temps très bref. Alors, la chose, bien sûr, j'allais pas dire évidente, parce que c'est pas évident, hein, mais enfin, la chose à faire, bien sûr, c'est d'essayer d'utiliser cette pression pour accélérer les particules. Là, je dois dire que... je dois saluer mon grand ami et collaborateur Toshi Tajima, qui avait eu cette idée d'utiliser un laser, si jamais ce laser existait, pour accélérer les particules. Et donc, quand le CPA est arrivé, on a mis les deux bouts ensemble, et voilà. Donc, maintenant, on accélère des particules. Alors, ce qui est fascinant, c'est que, typiquement, par exemple, prenez l'anneau du CERN, hein, 27 km. Bon, parce que il fait 27 km, parce que les gradients qu'on utilise sont de l'ordre de la dizaine de mégavolts par mètre. Voilà, ils font plusieurs tours, beaucoup de tours. Il faut beaucoup de tours, etc. Bon. Nous, il se trouve qu'on peut produire maintenant des gigavolts par centimètre. Alors, si vous allez sur le plateau de Saclay, si vous allez vous balader autour du Soleil, ben le Soleil, c'est un système giga-électron-volt. C'est un accélérateur d'électrons. C'est un accélérateur d'électrons. Pour faire de la lumière, justement. Pour faire de la lumière. Et les électrons qui se baladent, ils sont accélérés avec des gradients et cavités. Mais ça, c'est la méthode classique. Maintenant classique. Des cavités qui... ça donne des centaines de mégavolts par mètre. Mais alors, l'histoire n'est pas finie. Parce que là, on en est au giga-électron-volt par mètre. Ça veut dire qu'on pourrait mettre CERN sur un terrain de football. Le CERN, l'accélérateur du CERN sur un terrain de football. Sur un terrain de foot. Mmh. Bon, ça c'est pas mal déjà. Hein? Mais maintenant, l'idée sur laquelle je travaille, nous travaillons avec Toshi, c'est on voudrait accélérer maintenant les particules avec de la lumière X. Jusqu'à présent, on a toujours fait l'accélération de particules. Tous les travaux là dont on cite, ça se fait dans le domaine avec la lumière visible. Hein? Mais il y a des façons maintenant de transformer cette lumière visible en rayon X. Donc les photons qui la constituent ont plus d'énergie. Voilà, exactement. Ici, on parle d'impulsions qui sont femtosecondes. On pourrait transformer cette énergie, on pourrait ramener ces impulsions femtosecondes en impulsions qui soient dans les domaines attosecondes, c'est-à-dire mille fois plus courtes. Alors, si on fait des impulsions de attosecondes, on est automatiquement dans le domaine X. Automatiquement. Et alors là, ça devient très très intéressant. Parce que maintenant, ce qu'on appelle le Wakefield, c'est-à-dire c'est le mécanisme qui est utilisé justement pour accélérer le champ de sillage, qui est vraiment amené à accélérer les particules, et bien maintenant on peut le faire dans le solide. Et le solide, bien sûr, a des densités d'électrons, de particules beaucoup plus importantes que les gaz. Actuellement, typiquement, on travaille dans les gaz qui ont 10, 16, 17, 18. Donc, maintenant, si on passe au solide, 6 ordres de grandeur qu'on obtient. Et ça varie avec la racine carrée de densité. Donc, on gagne encore un ordre de grandeur de 3 ordres de grandeur. C'est-à-dire que maintenant, on parlerait du CERN sur un doigt. Ça va être difficile d'installer des bureaux. Ça va être, il va falloir que beaucoup de doigts. Mais vous avez aussi des applications assez futuristes, par exemple. Mais attendez, parce que j'ai pas fini. C'est ça qui est extraordinaire. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Parce qu'on parle d'infini, là. Alors donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on fait maintenant le CERN de téraélectronvolts par centimètre. Le TeV, comme on dit. On fait le TeV. On peut faire le PeV sur un mètre. Et on peut maintenant, bien sûr, faire la cosmologie sur une table. Alors, mettre le cosmos sur une table, pour fixer quelque chose. Les ordres de grandeur, le CERN, aujourd'hui, avec le LHC, fait des protons dont l'énergie est de quelques TeV. Comme il y a deux faisceaux qui entrent en collision, il faut ajouter les énergies, ça fait 14 TeV. Voilà. Et vous pourriez faire ça sur des distances beaucoup plus courtes, évidemment. En principe, sur des distances de l'ordre du centimètre. Hein. Bon, mais enfin. Mais il n'y a pas d'énergie. Il faut aussi que ces particules soient dans un faisceau bien ordonné. Mais absolument. Et absolument. Ça, vous pourriez. Et ça, on pourrait, justement. Parce qu'en général, si on veut augmenter les énergies, il faut imposer un ordre. Oui. Et l'ordre, il arrive naturellement. Je veux dire, quand on arrive dans ces zones-là, d'abord, on utilise des cristaux. Hein, on n'utilise pas plus les gaz. On utilise des cristaux, ces solides là qu'on utilise, c'est des cristaux, et donc avec les atomes bien alignés, bien ordonnés, etc. Donc ça facilite les choses. Donc c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que si on pouvait maintenant faire on pourrait faire dans le laboratoire ce qui se passe dans le cosmos. Et bien sûr, c'est reproduire les phénomènes physiques qui se déroulaient dans l'univers primordial. Voilà, voilà. Alors, mais ça peut aller jusqu'au trou noir aussi. Hein. Oui, j'ai vu que vous avez publié un article qui essaie de résoudre des problèmes de cosmologie à propos du rayonnement des trous noirs prédits par Stephen Hawking. Oui, absolument, absolument. On a l'impression que vous allez résoudre tous les problèmes de la physique, y compris la question, alors technique, elle, des déchets nucléaires, dont vous pourriez réduire la durée de vie en fabriquant des faisceaux de neutrons qu'on projetterait sur ces radionucléides pour réduire leur durée de vie. Absolument. Alors là, il faut que je sois très très prudent. Hein. Il faut vraiment que je sois très très prudent parce que c'est une question qui est tellement importante. On peut pas vraiment dire n'importe quoi. Vous savez ce que dit Newton à la fin d'un livre que vous connaissez sûrement qui s'appelle L'Optique? Oui. Il dit, il ne faut pas mélanger les conjectures, les certitudes. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec Newton. Il a dit beaucoup de choses de vrai. oui. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et la raison pour laquelle on peut faire énormément de choses, c'est qu'on peut pratiquement, avec cette lumière que moi j'aime appeler cette lumière extrême, on peut pratiquement créer toutes les particules qu'on pourrait avoir. Les particules, on peut les créer dans le laboratoire. Les particules et rayonnements aussi, hein, de très haute intensité, de très haute énergie. C'est-à-dire qu'on pourrait les sortir du vide? On peut, au départ, on les sort du vide, ou bien on les utilise pour ce qu'on veut en faire. Vous parliez de la transmutation, par exemple. D'abord, on fabrique les particules, et ensuite, on les utilise pour la transmuter, quoi, pour changer le noyau. Gérard Moreau, le titre de l'émission, c'est La lumière entre physique et art. Donc, j'aimerais bien que nous parlions aussi de l'aspect artistique des choses. Mais avant, je vous propose que nous écoutions, ça ferait une bonne transition, le morceau de musique que vous avez choisi, qui s'appelle L'air du froid. Thank you. Gérard Mourou, vous avez choisi L'air du froid de Henry Purcell. On dirait une musique impulsionnelle. C'est pour ça qu'elle vous plaît? Non. C'est, quand j'entends cette musique, pour moi, c'est, je pense à l'éther. Je pense, enfin, l'éther au sens qui porte la lumière. Qu'il portait la lumière. Voilà, exactement. Il y a quelque chose, et puis c'est cet air, ce froid, et ce souvenir qui évoque ça pour moi. Voilà. Donc, j'ai choisi cette musique, effectivement, pour ça. Là, c'est une bonne transition pour parler du lien entre physique et art. Vous publiez, vous avez dirigé un livre absolument magnifique avec Michel Menu et Monica Preti, ouais, qui s'intitule « L'impressionnisme entre art et science », et le sous-titre, c'est « La lumière au prisme d'Augustin Fresnel ». Voilà. Voilà. C'est suite à l'année de la lumière, 2015. Absolument. Vous avez organisé un colloque avec l'École Polytechnique et le Musée du Louvre, voilà, qui ont à peu près le même âge, ils ont été créés en 1793. 93-94, en même temps. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cette coïncidence? Mais je crois que, la convention avait dit, bon, ben voilà, on va créer un institut pour les arts et puis un pour les sciences. Voilà. Et ils sont apparus. C'est-à-dire que le Musée du Louvre est la contrepartie complémentaire de Polytechnique pour, ouais, les arts? Absolument. C'était extraordinaire de penser à ça. À cette époque-là, ils pensaient donc. Déjà amalgamer les arts et les sciences, je trouve ça fascinant. L'idée qu'il y ait une résonance entre les deux, ouais. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment. Mais bien sûr. Ben, nous, moi, je suis une personne de l'optique, hein, donc ce sont les ondes, il y a la résonance, etc. Donc, D'ailleurs, dans votre article qui figure dans cet ouvrage, vous émettez une hypothèse que vous étayez d'ailleurs au point de la prouver, ouais, à savoir que Augustin Fresnel, ce jeune physicien, je dis jeune parce qu'il est mort à 39 ans, polytechnicien, oui. Qui a fait une théorie de la lumière ondulatoire, l'optique de Fresnel comme on l'appelle. Voilà. Vous dites que son travail de scientifique a influencé de très grands peintres, ouais, comme Turner et Claude Monet, et que ça a déclenché en fait, comme une, ouais, sorte de contre-coup artistique, l'impressionnisme. Oui, tout à fait. Non mais ça, j'ai pensé à ça dès que j'ai pris dès que j'ai commencé à étudier l'optique de Fresnel, on commence par l'optique de Fresnel, et on parle de vibrations, puis après quand on entend parler on parle des impressionnistes, on parle de vibrations encore et de vibrations, et je me suis toujours étonné, et ça depuis des années, quand j'avais 20 ans, donc il y a 50, plus de 50 ans, parce que maintenant j'ai 75, qu'on n'avait pas fait le rapprochement. Je me suis toujours dit, mais il y a forcément quand même eu une influence de la science sur l'art. Et vous avez mené une petite enquête d'ailleurs, historique. Oui, tout à fait. Et peut-être, donc, pour être clair d'abord, il faut rappeler qu'à l'époque dont nous parlons, là, le début du 19e siècle, ouais, les physiciens sont plutôt derrière Newton à penser que la lumière est faite de corpuscules. Absolument. Et Fresnel dit non, c'est des ondes. Alors oui, c'est ça. Donc, au départ, bien sûr, ce que disait Newton, c'était personne ne contestait ce que disait Newton, donc toute l'Académie des sciences françaises était derrière Newton, on n'y touchait pas, ok. Et ce jeune polytechnicien, vraiment a fait un travail absolument extraordinaire, il était aidé par Arago, il avait aussi les connaissances que Thomas Young avait montré déjà dans sa fameuse expérience des deux fentes. La lumière interfère. Ça, c'était vraiment des... Mais ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont c'est... quand il y a eu 2015, qui était le 200e anniversaire... L'année de la lumière, 2015, c'est parce que ça correspondait au 200e anniversaire de la présentation de son mémoire, qu'il avait appelé Rêverie, ça je trouve ça extraordinaire, à l'Académie des sciences. Donc, ce mémoire avait été reçu, mais assez froidement d'ailleurs, je pense. Donc, je suis allé voir le directeur à l'époque, le président de l'École Polytechnique, Jacques Biot, et j'ai dit, Jacques, quand même, Fresnel est polytechnicien, il faudrait quand même faire quelque chose. Pour l'année de la lumière, il faudrait quand même faire quelque chose pour l'École Polytechnique, pour commémorer ça, quoi. Ah, il dit, oui, mais tu sais, faire quelque chose, qu'est-ce qui va venir sur le plateau de Palaiseau, voir des séminaires d'optique, ou des choses comme ça. Donc, je dis, mais j'ai quand même une idée. C'est là que j'ai saisi le moment pour vraiment satisfaire une envie que j'avais depuis 50 ans, quoi. J'ai dit, mais écoute, j'ai quand même une idée. c'est j'ai toujours eu l'impression quand même qu'il y avait un lien entre Fresnel et puis les impressionnistes. Le fait que la couleur l'emporte sur le trait, que le dessin s'efface. Absolument, que la, oui, absolument. Que les couleurs prennent le pas sur le graphique. Sur le graphique, quoi, bien sûr. Donc on s'éloignait complètement du classisme. Mais il dit, mais non, enfin, écoute, il y a 50 ans entre Fresnel, les travaux de Fresnel, et le port du Havre. Le Claude Monet. Oh, mais il y a Turner. Oui. Il y a Turner. C'est ça. Attends, trop vite. Alors, moi, on est sauté. Il m'a dit, donc, il n'y a pas de lien. Il y a 50 ans entre les deux. J'étais un petit peu convaincu sur le coup. Mais après, j'ai pensé au pré-impressionniste. Et le pré-impressionniste, bien sûr, de choix, c'est Turner, suivi de Constable. Hein. Enfin, moi, je les mets au même niveau. Hein. Mais, et donc, ces deux peintres anglais exactement au même moment où on découvrait la nature de la lumière, c'est-à-dire en 1820, c'était vers 18-19, dans ces eaux-là, au même moment où on découvrait la nature de la lumière, ces gens-là sont mis à peindre de façon différente. Là, j'étais très très intrigué, donc là j'ai poussé mon enquête. Et j'ai suivi Turner. Celui qu'on appelle justement le peintre de la lumière. Le peintre de la lumière, absolument. Le grand romantique Turner. Et donc, j'ai suivi, j'ai plongé dans des archives, etc. Et j'ai... parce que j'étais convaincu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a quand même forcément un lien entre Fresnel et Turner. Et ils se connaissaient pas. Alors, le lien, en voyant... Turner, c'était une personne qui voyageait beaucoup. Hein, il voyageait constamment. Et là, il devait voyager en... Il devait aller à Edinburgh, en Écosse, parce que, bon, il faisait l'illustration du bouquin de Ivan Noé, de Walter Scott. Alors, il dit, bon... Il va en Écosse. Et puis, comme il était il avait beaucoup de relations avec les scientifiques. Et il dit, ben là, si je vais en Écosse, si je vais à Edinburgh, il faut absolument que j'aille voir Brewster, qui était aussi une sommité dans le domaine de l'optique, hein. Brewster, l'angle de Brewster, etc. Il a fait des travaux très importants en optique. Donc, il voulait connaître ce qui se passait en optique, les dernières choses qui se passaient. Il avait peut-être... Donc, il va à Edinburgh, et là, Brewster n'était pas là, mais un de ses élèves était là. Donc, il a passé un de ses élèves qui s'appelle Keynes, qui était un peintre, qui était un scientifique, etc. Quand je dis élève, mais c'est au sens, bien sûr, grand du terme. Et donc, ils ont parlé pendant 3 jours. Ils ont parlé, bien sûr, j'imagine... De Fresnel. Parce que quand, ça c'était en 1919, Fresnel a reçu son prix, le grand prix, là vraiment où il a été consacré, où tout le monde s'est agenouillé devant lui, et a reconnu que vraiment il avait raison. C'était en 1919, et là où il a vraiment gagné la bataille. Et après, bien sûr, toutes ces communications ont été publiées dans les sociétés savantes. Et donc la Royal Society d'Edinburgh. Et là, bien sûr, Turner ne pouvait pas comprendre ça. Et il a passé 3 jours avec Keynes, qui lui a expliqué. Oui, vous racontez également que Turner a assisté à des séminaires de Herschel, le grand astronome, à propos de la lumière du soleil. Oui. Donc il était quand même très sensible à la science. Oui. Très sensible à la science. Non, c'est une personne, un personnage extraordinaire. Et lorsque il est parti de Edinburgh pour y rentrer à Londres, il a dit, ben maintenant, après ce voyage, je ne peindrai plus comme avant. Et c'est vrai, parce que il s'est mis à peindre, quand on regarde les œuvres qu'il a faites après 1920, 1923, sont différentes. On a l'impression qu'il peint d'abord la lumière et ensuite il ajoute des choses. Voilà. Il y a des reproductions magnifiques dans votre ouvrage. Oui, absolument. Mais Claude Monet, alors, il vient plus tard. Alors, Claude Monet. Comment est-ce qu'il a été influencé par Fresnel? C'est votre grande thèse, ça. C'est, alors, oui, voilà, exactement. Or, ça vient, il y a eu la déclaration de guerre, là. La France et la Prusse sont rentrées en guerre. Hein? Et, donc, il y avait Monet et Pissarro qui ont décidé d'aller à Londres. Et ils sont restés 3 ans à Londres. Et donc, bien sûr, ils ont vu, ils sont allés à la National Gallery et ainsi de suite. Et ils ont vu, bien sûr, toutes les œuvres de Turner. Et donc, quand il est rentré, bien sûr, il a été extrêmement influencé par Turner. En fait, Monet, c'était un grand turnerien. Hein. C'était un grand turnerien. Et il a commencé, sa peinture a manifestement changé. Et il y a quand même des similarités. Dans les thèmes, dans le thème, par exemple, enfin, on pense à la cathédrale de Rouen, par exemple. Ah oui, j'ai découvert en vous lisant que Turner l'avait peinte, lui aussi. Oui, avant. 40 ans avant. 40 ans avant, oui. Parce qu'il les a peintes, c'est 1830. D'ailleurs, ça permet de voir le passage entre le néo-impressionnisme et l'impressionnisme lui-même. Voilà. En comparant la toile de Turner à celle de, absolument, de Monet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de, sur la thématique, il y avait beaucoup de... Est-ce que vous dites là, c'est que Monet a été influencé par Fresnel par le biais de Turner, ou est-ce qu'il y a une influence plus directe? Au sens où Monet aurait eu vent de travaux de l'Académie? Monet, non. Ça, et après, j'en ai parlé à des historiens d'art, ils n'ont pas connaissance de ça du tout. Non, je pense que c'est par osmose, Turner s'est mis à peindre. Il a eu connaissance des travaux de Fresnel qui lui ont été expliqués par Keynes. Et le principe de la diffraction, par exemple. La diffraction aussi est une composante maintenant les impressionnistes utilisent ce mécanisme, la diffraction. Alors qu'avant, c'était pas utilisé. Il y a beaucoup de choses hein, qui en peinture maintenant, ils utilisent vraiment des choses, des processus qui physiques, d'optique. Je pensais à la diffraction, mais bon, autre chose aussi. C'est aussi la période assez extraordinaire où on invente la photographie, c'est voilà, 1821. C'est exactement la même période, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est lié, ça aussi? C'est 1800, la photographie est née en 1815. L'année du mémoire de Fresnel. À peu près l'année du mémoire, enfin à une année près, hein, c'est à peu près là. C'était extraordinaire. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. En même temps. Ah, ouais. Mais la photographie a été vue pendant longtemps comme la rivale, bien sûr, de la peinture. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle la peinture a tellement changé, c'est que finalement, ils ont dit, ben oui, maintenant, avant, bien sûr, la peinture était utilisée pour vraiment peindre des objets, etc., aussi près de la réalité que possible. Et avec la photographie, maintenant, c'est plus possible. Mais est-ce que le fait, Gérard Moreau, qu'on ait démontré que Newton, pour le coup, avait tort en disant que la lumière était faite de corpuscules, qu'elle est faite, en fait, de vibrations, d'ondes, est-ce que ça produit pas une forme de soulagement chez les artistes, même chez les philosophes? Vous parlez du traité des couleurs de Goethe. Oui. Goethe s'insurge contre Newton. Absolument. En disant que Newton, en analysant la lumière rayon par rayon, fait, en fait, une sorte de leçon d'anatomie sur un corps mort. Oui. C'est Schopenhauer qui disait ça. Schopenhauer aussi, c'est Schopenhauer qui disait ça, je crois. Mais enfin, Newton et Fresnel sont jamais, bien sûr, il y a beaucoup d'écarts, ils sont pas connus, ni Turner et Newton. Hein. Donc, après, beaucoup de gens, ont étudié tout ça et sont venus à des raisonnements qui n'allaient pas toujours dans le même sens. Mais enfin, bref. Mais enfin, ce qui se passait aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que il se passait qu'on découvrait en même temps que la théorie des particules, des corpuscules, en fait, la lumière était aussi composée de corpuscules. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, Newton avait raison et Fresnel aussi. Eh oui. Ça, c'est la mécanique quantique. Et à la fin, c'est arrivé comme ça. C'est que, et ça, c'est ce qui est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est quand même que la personne qui a contribué énormément à ça est Louis de Broglie. Qui est né dans la même ville que Fresnel. Non seulement la même ville. Son grand-père, mais je crois. Il est né, le père de Fresnel. Il faut voir, ça, c'est extraordinaire, cette famille. Le village s'appelle Broglie, en Normandie. Oui, c'est ça, Broglie. Broglie, on dit de Broglie. On dit Broglie pour la famille de Broglie, mais Broglie pour la ville. D'accord. Pour le village, oui. Exactement. Donc, il y a le château des de Broglie, la grande famille des de Broglie, là-bas. Et le père de Fresnel était un intendant ou un architecte, intendant de la famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, 100 ans après, la découverte, donc, de Fresnel sur la nature ondulatoire de la lumière, eh bien, Louis de Broglie allait démontrer que finalement, tout était onde. Incroyable. Mais est-ce que... Bien sûr, il a eu son prix Nobel. Gérard Mont, est-ce que vous saviez cela avant de commencer votre enquête, ou c'est votre enquête? Absolument pas. Donc, il y a une sorte de relation géographique et même historique entre de Broglie, prix Nobel 27 pour sa thèse de physique en 23, sur la dualité onde corpuscule, et Augustin Fresnel qui a démontré la nature ondulatoire de la lumière. La lumière, et de Broglie qui l'a étendue à toute particule, chose. C'est quand même incroyable, ça, non? C'est extraordinaire. Moi, j'ai eu vraiment un plaisir, justement, à découvrir tout ça, c'était fascinant. Bon, la famille Fresnel, c'était pas... C'était extraordinaire. Il y a un écrivain... Ah, mais attendez, Fresnel, il était le cousin germain de Prosper Mérimée. Ouais. Hein? Donc, là, on parle d'Augustin Fresnel, le physicien. Le Augustin Fresnel, voilà. Il avait comme cousin germain Prosper Mérimée. La mère de Fresnel était sœur avec la mère de Mérimée, de Prosper Mérimée. Donc, il y avait vraiment... Une densité de culture extraordinaire, là. Mais il est mort assez jeune, Fresnel, à 39 ans, je disais, comme Blaise Pascal absolument, ou Torricelli. Malheureusement, très jeune, mais. On sait de quoi? Enfin, vous savez de quoi il est mort? Je pense que c'est la tuberculose. C'est la tuberculose, oui. Alors, on approche malheureusement de la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a encore des questions que vous posez, Gérard Moreau? Non pas sur ce qu'on peut faire avec la lumière, parce que là, vous fourmillez l'idée, mais sur la nature même de la lumière. Est-ce qu'à votre avis, la physique quantique règle l'affaire? Où est-ce qu'on peut découvrir des nouvelles choses dans ses propriétés? Oui, mais écoutez, non. Je pense que la nature de la lumière a évolué absolument depuis qu'on a commencé à y penser, hein, c'est sûr. À chaque fois, on pensait qu'on avait raison. Chaque fois, on pensait qu'on tenait le bon bout. Et chaque fois, plus ou moins, on s'est plus ou moins trompé. Hein. C'est le cas, bon, par exemple, Einstein, par exemple, qui avait rejeté le rôle de l'éther, parce que, bien sûr, Fresnel et Maxwell étaient convaincus qu'il y avait quand même quelque chose pour permettre la transmission de la lumière. Pour la porter. Et donc, il y avait ce fameux éther, qui m'inspire le morceau qu'on vient d'entendre, là. M'évoque toujours cet éther. Et donc, après, bon, on a cru que vraiment la lumière était ondulatoire. Après, il y a Planck qui est arrivé et qui a montré que non, c'était pas ça exactement, et il y avait les corpuscules. Hein. Einstein, qui fout en l'air aussi, dit bon, non, il n'y a pas d'éther. Ça, c'est la théorie de relativité restreinte. Après, il a été obligé de se reprendre avec la théorie de la relativité générale, en disant, oui, c'est un éther, mais un éther spécial. Oui, c'est un éther spécial. L'espace-temps qui est déformé par la métrique. Voilà, c'est avant, on imaginait l'éther comme une espèce de courant d'air, de choses comme ça, de particules très fines, etc. Mais qui avaient une certaine relation entre elles. Tandis que maintenant, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de relation du tout entre les particules qui composent les terres quantiques. Gérard Moreau, c'est un plaisir de vous recevoir. Malheureusement, il faut qu'on arrête. Vous êtes un peu comme la lumière, vous-même, vous vibrez. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à... Non, et ce que vous avez dit est vrai, quoi. Vraiment, associer l'art et la science, c'est un plaisir énorme. Quand on trouve les bons angles. Vous êtes de plein pied dans le monde actuel et dans le monde futur. J'ai une petite anagramme pour vous. Ah. Quel anagramme de monde actuel? Réponse, Claude Monet. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Pierre Monteil et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le Temps des Écrivains.